427 activation, dictation, masculine, feminine. Listen and write in the missing words or letters. 1. Elle est américaine. 2. Il est américain. 3. Il est africain. 4. Elle est cubaine. 5. Elle est mexicaine. 6. Il est mexicain. 7. Elle est cambodgienne. 8. Il est cambodgien. 9. Elle est italienne. 10. Il est canadien. 11. Elle est brésilienne. 12. Il est brésilien.